19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Voici peu, des archéologues italiens annonçaient la découverte d'un homme sur la plage d'Herculanum, figé sous la lave de l'éruption du Vésuve. Il en est régulièrement de même à Pompéi, où de vastes fouilles ont récemment repris. Justement, mon invité fouille à Pompéi et s'intéresse aux pratiques religieuses antérieures au drame de 79 de notre ère. On le sait, l'archéologie peut rarement mettre en évidence des rites religieux. C'est pourtant ce que nous ferons ce soir avec William Van Andringa. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des pratiques religieuses et funéraires du monde romain, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, membre de l'Institut universitaire de France, vous fouillez la nécropole de Porta Nocera à Pompéi. Recherches qui viennent de vous valoir, avec votre complice Henri Dudet, le Grand Prix de l'archéologie Simone et Cino del Duca de l'Institut de France, la plus haute récompense archéologique française. Pompéi sera au cœur de notre discussion, mais aussi le geste millénaire que vous traquez et qui est objet d'un livre « Archéologie du geste, rites et pratiques à Pompéi » publié aux éditions Hermann. À Pompéi, on n'enterre pas que des morts, puisque nous en reparlerons, on enterre aussi la foudre et vous avez trouvé sa tombe. William Van Andringa, pour commencer, il nous faut évoquer l'œuvre de John Chade, professeur au Collège de France, qui rappelait que voici plus de 20 ans, l'histoire des religions de l'Antiquité était tombée dans une impasse. Ce sont de nouvelles approches archéologiques qui permirent à cette discipline de sortir de ce mauvais pas? Et oui, John Chade, qui a beaucoup travaillé sur les rites à l'époque romaine et sur les rituels à l'époque romaine, a compris que le problème des textes, c'est qu'ils ne donnent pas le contenu des rites, ils n'expliquent pas tout, loin de là, et qu'il s'est rendu compte que l'archéologie, la matérialité de ce que laisse finalement l'action rituelle, permettait d'aller plus loin dans la compréhension finalement, non pas seulement des rites donc célébrés du sacrifice, par exemple, célébrés à l'époque romaine, mais également des pratiques religieuses dans leur ensemble. Dans son ouvrage « Rites et religions à Rome », John Chade intitule un chapitre « Quand le geste compte ». William Van Andringa, ce geste est au centre de vos préoccupations ? Complètement, parce que cela fait 20 ans que je fouille à Pompéi. Et au départ, on a commencé à travailler sur l'un des cimetières romains de Pompéi, le cimetière de Porta Nocera, la nécropole de Porta Nocera que vous avez signalé. Et au départ, notre ambition était d'abord de révéler des pratiques funéraires, certes, de voir comment l'archéologie permettait finalement de restituer des pratiques funéraires dans un milieu extrêmement protégé, puisqu'à Pompéi, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tout est préservé de manière optimale, puisque là, vous le savez, l'éruption du Vésuve en 79 a scellé tous les niveaux de sol et a scellé les sépultures qui ont gardé leur marquage, les sépultures et tombeaux qui ont gardé leur inscription. Donc le point de départ était de profiter de cette préservation exceptionnelle des vestiges pour justement révéler, de voir comment finalement l'archéologie pouvait nous amener à révéler des pratiques. Et progressivement, on s'est rendu compte, et au départ, ce qui nous intéressait, c'est ce qu'on appelait à l'époque les rites funéraires. Parce qu'on englobait dans les pratiques funéraires, finalement, on parlait de rites. Et lorsqu'on parlait de rites, on parlait de pratiques funéraires. Et en vérité, on s'est très vite aperçu que les rites, ce sont d'abord des gestes à finalité symbolique, qui rythment certes les funérailles et le processus de mise au tombeau des restes du défunt, mais les rites, ce n'est qu'une partie des partitions gestuelles élaborées autour des funérailles. En l'occurrence, on s'est rendu compte, mais il a fallu 20 ans pour ça, parce qu'il faut recouper des informations, au début des centaines d'informations, puis des milliers, des dizaines de milliers d'informations, et à force de répéter justement, de voir la répétition des phénomènes, d'enregistrer, on enregistre comme des forcenés, toutes les traces laissées par les Pompéiens dans leur expression funéraire, et on s'est rendu compte que pour répondre directement à votre question cette fois-ci, que finalement, bien les rites, les gestes à finalité symbolique qui permettaient d'accompagner le défunt dans la tombe, créer l'altérité de la mort, eh bien ne constituent qu'une partie des pratiques funéraires. Et ils sont là, les rites huilent en quelque sorte les pratiques funéraires, c'est-à-dire qu'on a une succession de gestes, un assemblage de gestes à finalité distincte, à finalité performative, lorsqu'on collecte les os, on brûle les morts à Pompéi, et à la fin, lorsque le bûcher s'éteint, on collecte les ossements que l'on dépose dans la tombe. Et cette collecte des ossements, qu'on a appelé pendant longtemps des rites, ce ne sont pas des rites, ce sont des gestes à finalité performative. Et on a également des gestes techniques, lorsque l'oustor, l'esclave qui est chargé de mener le bûcher, lorsqu'il empile ses bûches, lorsqu'il fait disposer le mort sur ses bûches, eh bien c'est des gestes à finalité. Et là, tout d'un coup, c'est pas le mot. Il a fallu 20 ans. Et on s'est rendu compte que, de toute la richesse des séquences gestuelles, et on a compris que finalement, les gestes, qui sont notre quotidien, c'est pas seulement le quotidien des Pompéiens, c'est notre quotidien à nous, dès qu'on se lève le matin, notre journée, est faite de séquences gestuelles. Eh bien, tout cela, on s'est rendu compte qu'on pouvait le restituer par l'archéologie. Autrement dit, l'archéologie permet de restituer le concret de l'action humaine. Et ça, c'est une découverte extraordinaire qui me fait réfléchir à la façon dont on doit définir l'archéologie. L'archéologie étudie des monuments, des civilisations du passé, mais non! L'archéologie permet d'étudier des gestes, l'action humaine, et comme le disait le roi Gourand, l'archéologie, permet de toucher l'humain, de travailler sur l'humain, d'étudier l'humain. Voilà. Pour ça, votre livre est un manifeste, ça c'est sûr. Oui. Pour trouver le geste en archéologie, il faut scruter les comportements humains au travers des traces qu'ils nous ont laissées. Ainsi, voit-on émerger des gestes religieux funéraires? Et tout un ensemble même de gestes. On parle de nécropole, on parle de pratiques funéraires ici, mais évidemment l'ambition est de travailler sur les méthodes qui permettent justement de révéler des séquences gestuelles quelles qu'elles soient. Ce peut être des pratiques constructives lorsqu'on construit un bâtiment, ce peut être des pratiques culinaires, tout ce que vous voulez. Mais l'intérêt du terrain funéraire, c'est d'abord il recèle une multitude de traces. Vous le savez, enterrer un mort, c'est un processus extrêmement fort, extrêmement traumatique pour une société humaine, et qu'il doit maîtriser culturellement. Et ce qui explique pourquoi, la mort laisse beaucoup de traces. Les funérailles laissent beaucoup de traces. Et évidemment, pour un archéologue, lorsqu'on laisse beaucoup de traces, c'est intéressant. Et on peut donc, de cette façon-là, en étant très attentif aux méthodes à la collecte des informations, évidemment, la méthode de terrain est fondamentale ici pour récolter le maximum de traces. Tout cela permet effectivement de travailler sur la façon dont l'humain agit, en fait. C'est ça, oui. Découvrir l'intimité gestuelle. Absolument. Cela nécessite donc des fouilles très minutieuses où chaque petit élément pourrait avoir du sens, c'est bien ça? Mais oui, alors... La méthode est fondamentale. Le roi Gourand a cette phrase magnifique dans ses entretiens de 1982 qu'il donne à un journaliste qui dit « Mais écoutez, un mètre carré fouillé avec soin donne beaucoup plus d'informations que 100 mètres carrés fouillés de manière aléatoire ou sans soin. » Et je crois qu'il a raison. Autrement dit, ce que nous faisons, nous avons la chance de travailler sur des terrains très bien conservés. Lorsqu'on travaille sur une aire de crémation, l'endroit où on a brûlé un mort, on a l'impression que ça a été fait avant-hier. Et c'est d'une fraîcheur remarquable. D'abord, déontologiquement, on est obligé de relever toutes les traces laissées. Autrement dit, c'est très chronophage. Les archéologues qui travaillent avec moi se plaignent, ils ont que raison. Que des professionnels. C'est que des professionnels, oui, parce que le terrain est difficile. Et d'ailleurs, on pourrait me dire, dans l'archéologie, tous les terrains sont difficiles. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que on a calculé que 10 minutes de fouille correspondaient à 50 minutes d'enregistrement. Autrement dit, si on découpe les choses comme ça, 10 minutes de fouille, c'est ensuite 50 minutes d'enregistrement. C'est pour vous dire que parce qu'il faut relever toutes les traces, parce qu'il faut géolocaliser tout le matériel. On travaille également sur la fragmentation, parce qu'on a ces phénomènes de bris rituels qui donnent finalement la fin de la séquence funéraire. Et évidemment, il faut enregistrer tous les fragments, savoir si les fragments sont tournés, l'extérieur du fragment de céramique est tourné vers le haut ou vers le bas, pour étudier la fragmentation, la façon dont ensuite l'objet a été brisé, essayer de retrouver l'impact. Tous ces éléments, évidemment, les ossements sont au cœur du processus aussi, les ossements sont étudiés par Henri Dudet, mais c'est évident que la méthode doit être extrêmement rigoureuse. rigoureuse. On parle de Pompéi, et je ne voudrais pas qu'il y ait ici un malentendu. C'est que lorsqu'on a une couche d'occupation, que ce soit dans le nord de la France, au fin fond de l'Angleterre ou dans le sud de l'Italie, je suis désolé, mais une couche d'occupation, eh bien, ça prend du temps pour la fouiller. Vous écrivez, on ne cherche pas, on se laisse guider par le terrain. La pratique de la fouille est toute tournée vers la compréhension de ce que l'on voit, ce que relève la truelle. Et oui, alors, c'est étonnant. Alors ça, c'est aussi un apprentissage parce que on apprend, et c'est ce qu'il y a de merveilleux en archéologie, je pense, dans beaucoup de disciplines, c'est qu'on apprend tout le temps. Et là le terrain nous a appris et m'a appris, moi, personnellement, que finalement, c'est le terrain qui guide les questionnements. Il faut pas se tromper, il faut pas prendre les choses à l'envers. C'est pas l'analyse textuelle qui guide les questionnements. Pour l'archéologue, c'est ce qu'il trouve. Et une chose aussi, ce que nous avons pu faire à Pompéi, la montrer de manière magistrale, je crois, c'est que on est victime peut-être aussi d'une vision de l'archéologie un peu stéréotypée, un peu mythologique, je sais pas. Mais en tout cas, on ne creuse pas, je crois, on ne dégage pas, on suit des couches archéologiques. C'est quand même le principe essentiel de l'archéologie. Normalement. Et voilà, on suit des couches archéologiques qu'on relève avec le plus de précision, le plus de détails possible. Et je crois que c'est ce qui nous a guidés. Évidemment, on avait des questionnements au départ, mais qui ont très vite été réorientés sur ce qu'on mettait en évidence. Et désormais, ce sont les données qui nous permettent de restituer des pratiques et de questionner des pratiques humaines. Oui, absolument. Oui. William Van Andringa, vous écrivez, l'archéologie révèle des mondes en formation et des trajectoires temporelles et non pas des mondes achevés depuis longtemps et enfermés dans des tiroirs d'un temps défini institutionnellement par la tradition académique. Vous commentez ? Mais là, tous les archéologues s'y reconnaîtront, c'est-à-dire qu'on enferme notre savoir historique dans les tiroirs du temps, dans le sens où on est là contraint par nos cloisonnements disciplinaires, on est spécialiste de l'époque romaine ou de la proto-histoire, ou de ce que vous voulez. Donc il y a une périodisation qui est très forte, qui est très marquée. Il y a aussi une histoire préétablie, c'est-à-dire les grands systèmes qui sont expliqués, qui sont expliqués en cours à l'université, qui sont expliqués sur les bancs de l'école. Et je crois que l'archéologie et le terrain nous permettent de sortir de ces catégories qui sont trop rigides. Lorsque vous fouillez, vous n'êtes plus à l'époque romaine où vous suivez des couches et vous suivez surtout la respiration d'une population locale. Le temps vécu, et pas le temps institutionnalisé. On est bien d'accord. C'est le temps vécu que l'on arrive à. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'archéologie. C'est que l'archéologie nous permet justement de travailler, d'étudier l'humain dans le temps vécu et le temps perçu. Ce qui ferait très plaisir aux anthropologues parce que c'est ce qu'ils font. Avant de plonger dans vos découvertes et vos recherches, évoquons le rite qui s'avère une notion complexe. De mes lectures, j'ai compris que la religion des Romains est très différente des religions contemporaines, notamment parce qu'elle est fondée sur le rite, qu'elle n'exige aucune croyance explicite et conforme à la doctrine. Et oui, dans la religion romaine, c'est ce qu'explique très bien John Shedd, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de spiritualité, on n'est pas du tout. Alors le problème, c'est que effectivement, on est encombré par notre vécu, notre expérience contemporaine de la religion. Mais pour dire les choses simplement, je crois que c'est Paul Vane qui le disait de cette manière et de manière magnifique, c'est que le mot Dieu n'a pas le même sens dans l'Antiquité, c'est tout bête, et le mot Dieu n'a pas le même sens dans aucune société. Et à l'époque romaine, eh bien, ce qui domine, c'est l'aspect performatif. C'est-à-dire que célébrer un sacrifice, ça permet, eh bien, d'exprimer la hiérarchie qui existe entre les hommes et les dieux, et ainsi de créer un lien avec le divin. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'est le performatif qui est central. Et à partir du moment où le performatif est central, c'est-à-dire l'action humaine, là, ça devient intéressant, parce que tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant montrait que c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que on peut restituer les séquences gestuelles grâce à l'archéologie. Et bien, l'archéologie nous permet de retrouver les gestes et donc de retrouver le sens, l'essence du polythéisme, de la religion romaine. Et finalement, il y a 20 ans, John Shedd donc appelait de ses vœux donc une archéologie du rite. Eh bien, on comprend pourquoi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Pline le raconte, Hérénius, décurion de Pompéi, est foudroyé par un jour serein. Pour votre part, vous vous êtes penché sur l'enterrement rituel de la foudre. De quoi s'agit-il ? Alors, la foudre, c'est extraordinaire. Ça m'a beaucoup plu. C'est un prodige. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène naturel qu'on explique, qu'on étudie. Dans l'Antiquité, à l'époque romaine, c'est un prodige. Autrement dit, c'est un signe divin qu'il faut donc, à partir du moment où c'est un signe divin, les divinités, en l'occurrence Jupiter ou Summanus, se manifestent. Il faut donc que les humains, eh bien, maîtrisent le prodige en question, maîtrisent le phénomène, et donc ils procèdent à ce qu'ils appellent, eh bien, l'enterrement rituel de la foudre, qui est le signe lorsque on a un coup de foudre diurne, c'est-à-dire de jour, c'est Jupiter qui se manifeste lui-même en personne, et de nuit, c'est Summanus, notre divinité. Il faut donc, lorsque la foudre tombe, eh bien que l'on enterre rituellement la foudre. Alors, enterrer comment rituellement ? Eh bien, en suivant des préceptes étrusques. Et on est censé suivre des livres étrusques, hein, que l'on appelle des livres fulguraux, qui étaient conservés à Rome, dont on sait d'ailleurs, on ne sait pas trop de quoi ils étaient composés. Je crois que des textes, des bribes textuelles antiques, on comprend qu'il s'agisse essentiellement de classements de foudre, en fonction. Mais une fois qu'on a dit ça, très bien, mais lorsque la foudre tombe à Pompéi, c'est-à-dire à 250 ou 300 kilomètres de Rome, qu'est-ce qu'on fait ? Les livres fulguraux, on les a pas là, on l'enterre. Mais de quelle façon ? Et là, ça devient intéressant. Donc, dans une des maisons de Pompéi, la maison des quatre styles à Pompéi, possédait donc une sorte de petit bâtiment sur lequel on avait retrouvé une tuile gravée fulgure, la foudre. Donc, probablement, donc, un de ces enterrements, une tombe de foudre. Et alors, oui, Amedeo Maiuri, le grand surintendant du XXe siècle, donc, fouille la, tout près de la maison du Ménandre, pour ceux qui connaissent Pompéi, dans la région 1. Et il fouille à ce moment-là l'insula dans laquelle, eh bien, on trouve la maison dite des quatre styles, parce qu'on retrouve effectivement les quatre styles de parois peintes dans la maison. Et dans le jardin, ces ouvriers, c'est au mois d'août 1938, mettent toujours, eh bien, un petit tertre maçonné, avec une tuile plaquée dans l'enduit du tertre, qui portait le mot fulgure, la foudre. Et Amedeo Maiuri identifie immédiatement, évidemment, la foudre, et il connaît en quelque sorte ces textes antiques. Il identifie tout de suite, eh bien, un enterrement rituel de la foudre. Alors, notre chance extraordinaire, c'est que Amedeo Maiuri est très intrigué, et puis on voit qu'il est un petit peu perturbé parce que c'est un signe divin quand même. Il sait que c'est un signe divin, et il n'a pas osé toucher la fosse elle-même. Alors c'est un tertre, le tertre recouvre une fosse qui contient les éléments touchés par la foudre, autrement dit touchés par la divinité, désignés par la divinité. Et on sent donc, alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a fouillé autour, il a fait un sondage devant la fosse, et il a fouillé tout autour, mais il n'a pas fouillé la fosse elle-même. Alors en 2008, on a eu cette chance extraordinaire, eh bien, de pouvoir travailler sur un enterrement rituel de la foudre. Est-ce que vous avez retrouvé des gestes ? Alors là, oui. Alors, on a mis en place un protocole extrêmement rigoureux pour enregistrer l'ensemble des 1400 éléments touchés par la foudre. Et on a pu s'apercevoir, effectivement, on a pu reconnaître des gestes particuliers, des gestes qui suivaient un commandement, c'est-à-dire quelqu'un qui ordonnait une collecte des éléments touchés par la foudre. Un aruspice. Et voilà. Donc, on a pensé tout de suite à un aruspice. Alors, je reste très évasif parce que on n'est pas sûr que ce soit un aruspice. Normalement, c'est l'aruspice qui intervient. Hein. Mais ce peut être un spécialiste. En tout cas, ce que l'on a pu mettre en évidence, parce que la collecte est soigneuse, elle est particulière, c'est qu'on avait là la présence de quelqu'un qui sait. Autrement dit, un spécialiste. Et qu'est-ce que vous aviez ? Des tuiles, beaucoup ? Alors voilà. Alors c'est ce qui avait un peu déçu Amedeo Maiuri dans ses sondages, c'est qu'il espérait trouver des choses plus intéressantes que des éléments de maçonnerie ou des éléments de toiture. Ce que nous avons trouvé et pu restituer, c'est un pan de toiture, ce qui n'est pas une surprise. La foudre a touché donc un pan de toiture composé de 9 tuiles plates, hein, de grandes tuiles et de tuiles canal. Et tout cela a été rigoureusement, donc avec, on a des éléments également de mortier, on a également quelques moellons qui montrent que c'est le fait de la structure qui a été touché. Et tout cela a été donc collecté et déposé dans une fosse. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on a retrouvé là dans l'organisation de la fosse, dans le fait qu'elle, par exemple, elle a été installée dans un endroit à l'égard des passages et des regards, ce qui conforme justement au précepte d'enterrement rituel de la foudre. Donc, on a compris que le spécialiste qui est intervenu connaissait les principes élémentaires d'enterrement rituel de la foudre. Mais ce que l'on a révélé également, c'est qu'on avait des gestes inventés. Et tout cela indique eh bien, que les rites, les gestes à finalité symbolique, ne sont pas répétés de manière continuelle, c'est-à-dire d'un individu à l'autre, ou d'un officiant à l'autre, ou d'un agent à l'autre, mais que les rites sont perpétuellement réinventés. Et ça, les rites sont, les anthropologues l'ont montré depuis longtemps, sont plastiques par définition, et sont d'une extraordinaire plasticité. Ce qui fait l'importance d'un rite, ce qui fait sa validité, même s'il n'est pas répété de manière identique, ce qui fait sa validité, c'est l'autorité que l'on confère à l'officiant. Si l'officiant a l'autorité de le faire, il n'y a aucun problème. Venons-en à la nécropole de Porta Nocera. Cette nécropole comporte des sépultures à crémation. Cela, bien sûr, ne simplifie pas les choses. Comment se déroule un enterrement à Pompéi ? Un bûcher, puis des cendres dans un vase, c'est à peu près ça ? Alors oui. Alors, maintenant, mais c'est bien plus complexe, j'imagine. Maintenant, on le sait assez précisément. C'est-à-dire qu'on arrive à restituer les séquences gestuelles et l'organisation des cérémonies avec un grand détail. On voit, et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que je prononcerai le mot de tradition. On arrive à restituer une coutume funéraire, une tradition funéraire, comme on l'a jamais fait, je pense, hein, parce que, eh bien, on arrive à comparer, hein, on a désormais suffisamment de sépultures fouillées, d'aires de crémation fouillées, c'est-à-dire de bûchers fouillés, pour pouvoir comparer les structures les unes avec les autres et de voir quels sont les gestes normatifs, finalement, qui structurent ces cérémonies et quels sont les gestes inventés ou qui sont propres à une famille ou à un individu. Donc, voyez qu'on arrive à toucher, finalement, eh bien, à voir comment s'organise une tradition funéraire. Et on arrive, évidemment, à décrire, désormais, de manière assez précise, les funérailles, le processus de mise au tombeau, les trois grands moments funéraires, et puis les cérémonies commémoratives, lorsqu'on vient célébrer le souvenir des défunts. Justement, parmi les gestes d'usage funéraire, la lampe a vraiment un vrai sens, et visiblement très, très important. Ça, c'est aussi un enseignement de ces fouilles, c'est que de ce travail et de surtout de cet enregistrement forcené, c'est que on s'est rendu compte que quelques objets et finalement qui tiennent à la tradition romaine là pour le coup, quelques objets structurent les séquences funéraires. Alors il n'y a pas beaucoup, hein, c'est-à-dire une lampe funéraire. Ça c'est très pompéien. Dans la localité voisine, on utilisera 10 lampes ou 20 lampes. À Pompéi, c'est systématiquement une seule lampe qui est utilisée. Elle est prise très souvent, on arrive à le savoir parce que ce sont des lampes usagées tout simplement. Elle est collectée dans le domicile familial avant l'enterrement. Également, on utilise des vaisselles de cuisine pour conserver les ossements du défunt après une fois la crémation terminée. Donc ces éléments sont prélevés dans la maison et structurent en quelque sorte les cérémonies funéraires. Alors de façon pour aller vite, on peut dire que la lampe structure la cérémonie funéraire. Je vais dire pourquoi. Le parfum. Le balsamère. Alors, on retrouve, évidemment, le parfum, on ne le retrouve pas, mais on retrouve les flacons qui contiennent le parfum. Et puis, on a également un petit peu d'aliments, d'offrandes alimentaires qui également structurent la cérémonie. Peu de choses, mais systématiquement employées. Voilà la norme. Ensuite, eh bien, autour de ces... Alors, le sens, j'ai oublié de dire le sens. La lampe. Pourquoi une lampe ? Eh bien, tout simplement, on parle de... Et c'est John Scheid qui en a parlé le premier, hein, dans un article de 1984. Il a expliqué eh bien, que tout s'organise autour de rituels d'inversion. Pourquoi ? Eh bien, parce que la mort, c'est une altérité. Hein, c'est un domaine autre, c'est un au-delà. Et que finalement, la lampe et l'allumage de la lampe, la lumière de la lampe, vient ici en opposition avec les ténèbres de la mort pour créer, de manière symbolique, l'altérité de la mort. On voit le sens, il est là. Le parfum, c'est la même chose. La mauvaise odeur du cadavre, je vous laisse deviner, et la bonne odeur de la vie. Et les offrandes alimentaires jouent un autre rôle. Je ne sais pas si on est dans ces rituels d'inversion, mais il est possible que également on ait la nourriture des vivants et puis la nourriture brûlée pour le mort. Il y a là aussi des symboles d'opposition très forts. Mais voilà ce qui structure C'est typiquement romain. Et voilà ce qui structure une cérémonie funèbre. Tout le reste, eh bien, s'organise. Hein, les gestes à finalité performative, gestes techniques, toute la douleur des familles s'exprime autour, justement, de ce fil rouge symbolique qui est donné par la matérialité des objets, ce qui est très intéressant pour un archéologue. Ce que vos recherches permettent de faire, c'est de raconter aussi des histoires, celle de Vosonius Proculus, par exemple, qui est très particulière. Voilà, alors, on a parlé jusqu'à maintenant de gestes, de partitions gestuelles, de l'action humaine, en quelque sorte, de voir comment les Pompéiens enterrent les morts, comment ils enterrent la foudre aussi, hein, dans leur action, donc dans leur action quotidienne ou exceptionnelle. Et effectivement, l'étude de la nécropole Paternocera nous a finalement progressivement orienté sur un domaine qui complètement nouveau pour nous, hein, qui est celui de l'histoire sociale. En effet, à partir du moment où vous avez des stèles qui indiquent ou des dédicaces de tombeaux qui indiquent le statut des défunts, eh bien, on peut travailler sur la place de chacun dans la famille. Et lorsque les anthropologues et Henri Dudet peuvent identifier un enfant, un adolescent ou un adulte ou un homme âgé, il est évident que on peut ensuite travailler sur le recrutement funéraire de ces différentes personnes. Et là, on aborde l'histoire sociale et des phénomènes extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur la place d'un esclave, sur la place d'un enfant dans la famille, et on s'est rendu compte que, par exemple, eh bien, un esclave peut avoir une place déterminante, prédominante, on va dire, c'est le mot, hein, dans un enclos, dans un lot funéraire. Eh bien, parce que, et on voit que malgré son statut d'esclave, juridiquement, il est une chose, oui, mais dans la famille, il n'est pas une chose, il est un individu et un individu apprécié. Vous voyez que on peut travailler sur la construction des inégalités sociales et la façon dont des statuts inférieurs peuvent être transcendés dans le milieu familial. C'est assez extraordinaire, non? C'est formidable. Alors, en 20 secondes, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de Phileros, esclave parvenu, et la malédiction de son ami? Ah, ça c'est Vesonius Phileros. Hein, c'est le. Alors oui, alors ça c'est une histoire qui est déjà ancienne, qu'on a publiée. Hein, mais effectivement, on a fouillé entre 2003 et 2007 un enclos funéraire très particulier parce que sur la dédicace du tombeau, eh bien, on trouvait la mention d'un personnage qui avait été affranchi par une. Il s'appelait Publius Vesonius Phileros, donc un esclave qui avait été affranchi par une matrone, c'est-à-dire une grande dame de l'aristocratie pompéienne qui s'appelait donc Vesonia, qui était fille de Publius. Et sans doute, eh bien, elle était, cette dame, la dernière représentante de sa lignée, et elle a donc confié, eh bien, l'avenir de sa famille au meilleur de ses esclaves, en l'occurrence un Phileros qui est devenu Publius Vesonius Phileros. Et ce personnage a donc accueilli dans son... Il a fondé, donc, en étant affranchi, il fonde un tombeau, il fonde une nouvelle famille, et il a accueilli dans son tombeau, outre sa patronne, ce qui est assez courant à l'époque romaine, il a également accueilli un troisième individu, affranchi comme lui, qui s'appelait Faustus, et eh bien, on a compris avec une autre inscription qui avait été donc apposée au-dessous de la dédicace, eh bien, que celui qui prétendait être mon ami, eh bien, a été évincé du tombeau, et on a compris qu'effectivement, la tombe programmée pour accueillir ce personnage, ce Faustus, eh bien, a été condamnée par Phileros lui-même. Donc tous ces processus, la évidemment... La tombe était vide, voilà. William Van Andraga, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre manifeste, Archéologie du geste, rite et pratique à Pompéi, publié donc aux éditions Hermann. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, où retrouvez plus de 300 archives sur le site inhap.fr.